La neige est arrivée très tôt cette année. C'est le temps de commencer à cuisiner du comfort food. On ne peut pas passer sous silence la mijoteuse. On parle de plats en cocotte mijoteuse. Pratique, pas cher, ça sauve du temps aussi et c'est santé avec Stéphanie Ray et Kaitana du service de traiteur Le Gosier à Barrie. Salut les filles! Salut! Est-ce que vous cuisinez seulement des plats à mijoter chez vous ou vous en faites aussi pour Le Gosier? Un peu les deux. On en fait au gosier, mais on le fait de façon un peu modifiée parce que ce qu'on fait, c'est qu'on cuit à basse température, un peu comme dans la mijoteuse. Par contre, vu que c'est à si gros volume, on le fait directement comme dans un gros plat au four. Mais la façon la plus sécuritaire et la plus simple à la maison, c'est vraiment d'utiliser la mijoteuse. Donc, le plat qu'on fait au gosier qui mijote toute la nuit, comme ça, c'est notre chili. Alors, ah ouais. On part la veille, puis ça cuit toute la nuit. Quand on arrive le matin à 5 heures, là, c'est tout prêt, ça sent bon dans l'école. T'as envie de manger tout de suite du chili à 5 heures du matin, mais c'est pas le temps, il faut déjeuner avant. Ah, ben tu sais, on a déjà discuté, le déjeuner, c'est peu importe ce que tu veux en faire. Ouais, c'est vrai ça. Et je pense qu'il y a quelques auditeurs qui vont tendre l'oreille parce que les plats mijotés, c'est tellement bon et c'est le temps de commencer. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut amener qui va nous amener à dire « Ah oui, ben je pourrais peut-être commencer à aller m'acheter une mijoteuse parce que j'en ai pas encore, là, puis je cuisine encore à la bonne franquette. » Oui, ou même la sortie des garde-robes. Parfois, c'est quelque chose qu'on se fait donner puis qu'on ne sait pas trop comment utiliser. Mais, comme moi, ça. Ça fait beaucoup d'argent parce que ça nous permet aussi d'acheter des pièces de viande à l'épicerie, des fois peut-être qu'on serait moins tenté à prendre ou qui sont moins tendres. Mais en les mettant dans la mijoteuse, parce que ça cuit à basse température pendant une longue période de temps, à ce moment-là, ça devient super tendre. Alors, c'est une bonne façon d'utiliser des pièces en spécial à l'épicerie. C'est certain que moi, personnellement, puis sûrement il y a beaucoup de gars comme moi, là, on veut pas acheter vraiment des grosses pièces de viande parce qu'on se dit « Ah, je suis pas trop bon avec ça là, pour cuisiner. » Mais un coup qu'on l'a mis dans la mijoteuse, c'est comme si on était rendu des cordons bleus. Exact. Oui. C'est pas autre chose à faire à ce moment-là. Dès que tu as mis ta viande, tes assaisonnements, tes légumes, alors tu laisses la mijoteuse faire sa job et puis ça se défait à la fourchette là, par la suite. Kate, je pense qu'elle avait des avantages à utiliser la mijoteuse au niveau nutrition. Oui. C'est plus facile. Je pense que c'est vraiment comme un mode de cuisson comme vraiment facile. Tu peux mettre tout dans un pot puis juste aller comme... Aller faire autre chose. Ça fait moins de vaisselle aussi, hein? Oui. Mais quand on cuit comme ça, comme à une température plus basse, comme dans un four quelque chose, ça préserve la quantité des minéraux, des vitamines. Donc, quand on appelle Fanny, il y a beaucoup plus. Vitamines, tout reste dans la mijoteuse, en fait. Fait que c'est toutes les vitamines des légumes, la viande, ça sort, mais ça reste dans ton bouillon, dans tes légumes. Oui. Tout se mélange un peu aussi. Oui. Alors, c'est par rapport au four, ça. C'est possible là, de se nourrir et puis qui permet d'utiliser aussi, je pense, beaucoup de légumes de saison. Oui. Parce que c'est là que tu peux passer comme tes navets, ton chou, tes carottes, les patates. Alors... puis, dépendamment de l'assaisonnement que tu mets, ça va vraiment changer le goût aussi. Une chose qu'on aime bien faire aussi à la mijoteuse, c'est des soupes. Alors, oui. Ça, c'est pas super compliqué. Tu peux faire autant des soupes là avec un bouillon, des légumes et tout, que tu peux faire une crème de légumes ou une crème de lentilles ou quoi que ce soit. Alors, tu mets toutes tes choses là-dedans, puis tu pars travailler. Quand tu reviens travailler, il te reste juste à passer ta soupe au blender, puis tout est prêt à ce moment-là. Ben, qu'est-ce qui est le fun là, avec la mijoteuse, je trouve, c'est que vu que ça cuit longtemps, tu mets ça le matin, tu pars avec les enfants, jouer dehors, faire des bonhommes de neige, glisser. Quand tu reviens, si il est prêt, on a juste à s'asseoir et à déguster un bon repas et se réchauffer à ce moment-là. Mm-hmm. Puis, une chose que j'aime bien aussi faire avec, je pense que c'est dans les recettes que tu vas mettre sur la page de Facebook aujourd'hui, c'est comme un poulet un peu mexicain. Fait qu'en mettant des poitrines de poulet avec des assaisonnements un peu plus à la mexicaine, tu peux ensuite, quand ton poulet est cuit, tu peux tout les flusher puis l'utiliser pour faire des fajitas ou pour faire des petits tacos. Ou même peut-être une soupe au poulet et flusher. Alors, ça peut être une bonne base aussi pour cuire notre protéine qui va aller sur autre chose. Ça peut être du riz ou dans une soupe. Ben c'est bon aussi parce que la mijoteuse, oui, moi je me rappelle quand j'en ai fait, c'est tout le temps des grosses pièces de viande, c'est pas juste une petite affaire de rien. Alors que t'en restes plus à ce moment-là pour ta semaine, ça te fait des lunchs de plus pour les enfants, t'as moins à te casser la tête. C'est le fun dans ce temps-là. Exact. Puis comme Kate me disait plus tôt, tu peux aussi, tu sais, quand tu fais ta préparation de la semaine, faire des ziplocs avec tes légumes déjà coupés. La viande, toutes tes épices, tu peux mettre dans le congélo puis sur la nuit avant que tu fais ton mijoteuse, quelque chose, puis mettre dans le matin avant que vous allez au travail ou à l'école, ouais. Tout comme ça. Puis tu peux faire quand même, si tu fais pas comme un grand prep sur le week-end, tu peux faire comme juste la nuit avant, puis mettre dans ton... dans le casserole de la mijoteuse, puis mis dans le frigo pour la nuit, puis reviens dans le matin, puis mis dans la mijoteuse. Oui, parce que la partie comme en céramique de la mijoteuse, tu peux préparer là-dedans ça, le mettre au frigo, puis la ressortir. Donc à ce moment-là, ça, soit que tu le fais d'avance, puis tu fais de la prep, ou soit que la veille, comme Kate a dit, ou le matin même, tu peux le partir. Mais il y a beaucoup de places à Star qui offrent des ateliers de prep, de bouffe, ou qui font des plats dans des ziplocs d'avance sur Pinterest. Il y en a des tonnes de recettes de congélo que tu peux faire dans des ziplocs ou dans des contenants. Et puis, ça permet de les mettre dans la mijoteuse quand même assez rapidement. Hein. J'ai vu ça, il y a quelques personnes là, autour de moi qui font ça. Ils ont des recettes qu'ils mettent dans des ziplocs, mettent ça au congélateur, sortent ça la veille. C'est pratique, c'est rapide. C'est aussi bon pour que ce soit la mijoteuse ou pour un peu n'importe quelle sorte de cuisson, en fin de compte. Exactement. Tout ce qu'on peut faire pour sauver du temps aux familles, puis essayer de manger à la maison le plus possible. Oui, parce qu'on va essayer de pas aller trop au Burger King ou au McDo parce que c'est pas la meilleure solution dont on peut avoir et surtout les nutriments ne sont pas là à ce moment-là. Non, exact. Fait que je pense qu'avec les températures là, qui vont descendre dans les moins 20 d'ici la fin de la semaine, sortez votre mijoteuse, ça va être une bonne idée. On va aussi vous partager sur la page Facebook de CFRH les recettes que Stéphanie et Kate nous ont envoyées. Alors, essayez ça à la maison. Faites un peu de mijoteuse, vous allez avoir plus de nutriments que dans le four. C'est déjà une bonne chose. Je vous remercie Stéphanie et Kate, service de traiteur Le Gosier à Barrie. Je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Bye. Bye. Salut.